Audiomatic. Nous avons introduit la transmission 267 d'Audiomatic avec le défunt groupe australien The Birthday Party et la chanson Six Inch Gold Blade, extraite de son deuxième album Junkyard, lancé en 1982. Rappelons que The Birthday Party a été fondé, entre autres, par Nick Cave et Mick Harvey en 1978. La séparation du groupe en 1983 a mené à la création de la formation Nick Cave and the Bad Seeds. Sans attendre, c'est le projet Faultline qui assure le déploiement d'Audiomatic.

We'll be right back. La formation de Future Sound of London concluait cette séquence musicale avec My Kingdom Part 4, tiré du mini-album My Kingdom, mini-album qui offre une version étendue de cette pièce en 5 parties d'une durée totale de près de 30 minutes. À l'origine, la pièce My Kingdom apparaît sur l'album Dead Cities. Et avant The Future Sound of London, on écoutait la pièce Mute du projet Fault Line, pièce tirée de son premier album Closer, Colder, paru en 1999. À Audiomatic, voici de leur seul album collaboratif intitulé Out of Season, Beth Gibbons et Paul Webb, alias Rustinman, qui nous interprètent la chanson Funny Time of Year. There'll be no blossom

Il s'agissait à Audiomatic du défunt groupe anglais Talk Talk et la chanson After the Flood qui apparaît sur son cinquième et dernier album Laughing Stock, sorti en 1991. Et précédemment à Talk Talk, nous avions droit à la collaboration entre Beth Gibbons, chanteuse de Portishead, et Paul Webb, qui a été le bassiste du groupe Talk Talk de 1982 à 1988 et qui crée maintenant sous le pseudonyme de Rustin Man. Donc, de Beth Gibbons et Rustin Man, nous entendions la chanson Funny Time of Year tirée de leur seul album Out of Season paru en 2002. Audiomatic se poursuit sur une composition du saxophoniste turc İlhan Ersayan. tu sombra. Es difícil encontrar alguna luz, mas cuando quiero ser tu agua, vas a beber a otro río, a otra playa. Y aunque el agua del mar sea salada, te empecinas con la idea de beber, mas no viendo que a tu lado una vertiente se está convirtiendo en barro. Yo te quiero, yo te quiero. Joker. séquence musicale se terminait sur la musique du projet Lagartijando, de qui nous entendions la pièce A Todo País, sur laquelle participe le chanteur costaricain Javier Arce. La pièce se trouve sur le plus récent album de Lagartijando intitulé Jayaya. Avant cela, c'était la chanteuse chilienne Norma Montserrat Bustamante Laferte qui compose sous le pseudonyme Mon Laferte. De son album La Trenza, nous entendions la courte pièce Yo Te Ki. Et la séquence débutait sur la musique du saxophoniste turc İlhan Ersin, de qui nous entendions la pièce Tarzanka de l'album Istanbul Underground, faisant partie de la série intitulée Istanbul Sessions. Afin d'actualiser la conclusion de cette transmission 267 d'Audiomatique, nous vous présenterons ce que l'on pourrait qualifier de super groupe. Au début de l'année 2019, Lionel et Marie Liminianas du groupe français de Liminianas collaborent avec Anton Newcomb, leader de la formation américaine de Brian Johnstown Massacre, et la chanteuse et actrice française Emmanuelle Seigné. Cette collaboration mènera à la création du groupe L'Épée et à la composition de l'album Diabolique qui a été lancé en juillet dernier. De cet album, nous vous proposons d'entendre la chanson « Ghost Rider ». Les sonoristes vous convient à la transmission 268 d'Audiomatique qui aura lieu mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, écoutez nos anciennes transmissions en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc L'Épée et la chanson « Ghost Rider ». C'était Audiomatique avec les sonoristes.